féroce Teddy, son cruise fila, les chaos fila, s'fille au fou et vil sous filé, au faux spondeux, ou au passage bondeux, c'est l'astré, le smoseux, c'est l'extasy, ton ex assise, me kiffe comme si j'étais le texte, mais c'est esquise, le mec est ce qu'il veut, les troubadous, les troubades, d'où viennent-ils, j'pose, mon style reptile, mon style flow, efface Scarla, on se fera la mala, beaucoup dans le hip-hop veulent ce qu'il a, sans jamais savoir ce qu'il a, pute. L'ennemi commun, l'humour veut peur, ça fait peur à voir qu'on se bouffe comme des rats ou même des loups. Salouf, j'nouf, j'lingue, embrasse la fille, la chenec et la chenique, les faux comme fou, j'niche, ken ces scars-là. Et qu'on veut me ken au combat, je reste vrai, je reste vrai. Qui veulent la peau de mon peura. Certains sont la guerre sainte du peura. Jouent les gangsters sans jamais savoir qu'ils finiront six pieds sous terre. Comme Tupac Shakur, Tupac Shakur, Shakur, Shakur. Au fond de la course et l'impassé. De toi on part déjà au passé. Tu finiras par y passer à force de jouer les gangsters. Ton corps sera bientôt exposé dans un monastère. Le corps plein d'un bague de balai. C'est pas gravé sous les gravions. Bien de choses à ton modèle. Tupac Shakur, Tupac Shakur. La France c'est pas les têtes. Fils, les steaks, c'est pas le bon exemple. Fiston, garde ton identité, fais des pistons. Fiston, Mercedes, BMW, Lexus, c'est reste vrai, et reste vrai.